plus le temps passe, plus c'est la merde quand je vois les décrets de loi. Donc quand les élus me tendent la main, ben je leur fais des clés de bras. Parano, je m'épuise, la parole est prise, ma daronne est triste. Pas besoin d'une main dans le cul pour que j'ouvre la bouche comme un marionnettiste. Les jours s'accumulent, on y croit, on fait une croix blanche. Les soucis ça pullule et c'est étroit de finir entre trois planches. Un pote qui tape chez Itachi, un autre qui vide à chiche. Il a sa carte vitale, chic, il paiera pas l'hôpital psy. J'évite d'être déféré, donc je vais pas te faire les poches. Restez sage, on préférerait, mais la vie nous a pris des frères, des proches. On a une animosité de chacal, libère à la cité, ça caille les Nike usés, la pilosité de Chabal. J'ai jamais respecté votre hiérarchie, moi je suis qu'une vieille archive. Je fais des chansons tristes comme mon allié Narcisse. Au paradis, pour rentrer, je vais baffer le videur. J'ai mon avenir dans un café de Lidl. On veut tous se faire un nom parmi les plus grands de ce monde, et pas rater son heure de gloire, même pour 30 secondes. On fait la sourde oreille aux appels au secours, et les sourires manquent à l'appel quand la peine nous secoue. En cas d'échec, on rejette la faute sur les autres, toujours prêt à prendre du poids vu qu'on a la peau sur les os. La vie est belle, non, elle a beau être moche. Regarde les filles maigris, sniffent et se prennent pour Kate Moss. Pour certaines, j'étais qu'un salaud. Voir un brave type plein d'orgueil sur la feuille, j'espère percer sans la gueule de Brad Pitt. J'suis pas un saint vu que les anges n'ont plus d'oreille. Car on ne croit plus aux joies que chante la compagnie créole. Je reste dans l'ombre, mais appelle-moi Ben Baker. Pense à demain entre la haine et puis les peines de cœur. Et pour ma femme, ben j'ai une gueule d'enjoui. Je rappe et à la fin, ben je gueule dans le vide. J'ai pas cessé de vous le dire, Beyoncé serait pas avec Jay-Z si t'as fait au KFC de Brooklyn. Arrêtez de l'ouvrir, débarraquer. Moi j'respecte Dieu et celle qui m'a allaité tout petit. Personne à qui se fier, fait chier. J'dois les défier un par un, le tarin caché par un kéfier. L'esprit près du bif, j'sais plus. Le préjudice de mon vécu n'est pas remboursé par la sécu, fils. Ils rappent la main sur le cœur alors qu'ils mentent tous. Ils traînent devant Sky, j'emmène le petit à l'entraînement de foot. Nos chances, elles étaient minces, calmez-vous. Ils m'ont dit nac, t'as ton destin entre tes mains, mais t'as des moufs. J'avais ni plan, ni tactique. Qui t'a dit que j'dormais? C'est pas mort, non, j'm'en remets. Petit à petit, c'est la rue et vers la rue. À défaut de Roro, les pauvres prolos, ils se mal comme des fausses jojo. J'ai tout fait pour réussir, mais tout ceci n'est qu'un grand cirque. Prisonnier d'un sale destin, faut-il vraiment te faire un dessin? J'ai cru que c'était possible, mais quand le ciel te prend pour cible, tu baisses tes yeux et tu résistes et tu t'accroches à tes récits. Mon pessimisme est un atout, car le mal se cache partout. J'aurais voulu qu'elle soit fière de son fils et de son parcours. Comme mes mots, mes feuilles s'envolent. Comme les mômes, les hommes s'endorment. Et pourtant j'y crois encore, la rendre heureuse, la couvrir d'or. Je sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. La vie m'accable, ce n'est pas grave, ça ira mieux demain. C'est aujourd'hui, mes jours sont green, faut pas que ça se perpétue. Ce n'est pas peine perdue, même si la haine perdure. Hier n'est qu'un souvenir, demain sera une autre histoire. Fier d'un passé d'esclave, mais à présent l'héros d'un soir. Ouais, à présent l'héros d'un soir. Car demain est une autre histoire.